Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Maintenant, c'est le moment de... Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Et oui, donc, top de l'insolite ce matin. Vous savez, hier, on vous avait présenté six modes qui doivent absolument arrêter, qu'on doit empêcher de continuer dans le monde de la musique. Et bien, aujourd'hui, on va un peu... On découle de source puisque, on continue à même lancer. Voici six trucs de l'industrie de la musique qu'il faut absolument que ça arrête, que ça meure. Et donc, on commence avec le numéro 6, l'autotune. Eh bien, tout simplement, donc, qui est-ce qui en occupe le plus, qui l'utilise le plus? C'est Kid Rock, Cher, Uncle Cracker et T-Pain. C'est souvent vu pour comme un vocoder, mais c'est pas ça. Le vocoder, en fait, c'est un ancien système, ordinateur. On disait ça dans le crowd rock pour faire un genre de voix métallique, une voix robotique. C'est pas du vocodeur, là. C'est vraiment un genre de l'autotune, en fait, vient mettre une mélodie dans votre voix. Vous savez, là, si tout le monde est dans une pièce de T-Pain, a déjà entendu cette autotune. C'est pas très, très plaisant à entendre. Donc, entre autres, il y a Rod Stewart qui l'a déjà utilisé, cette autotune-là, dans ses albums, mais Paris Hilton également. C'est pas très, très bon. Ça sonne pas très bien. Malheureusement, j'ai pas d'exemple sonore pour vous, mais donc, imaginez le petit tremolo, la petite mélodie dans la voix. C'est pas très génial. C'est un programme, donc, qui vient modifier la voix. Et ça enlève tout le crédit donc aux compositeurs de musique ainsi qu'aux chanteurs. Là, vraiment, on modifie leur voix. Numéro 5, des choses que l'industrie du disque doit absolument rayer, doit plus faire, ça doit mourir, ça doit arrêter. On a la rehab, bien sûr, la réhabilitation, envoyer les gens en centre de détox, oui. Qui est-ce qui sont les pires là-dedans? Eh bien, on retrouve Scott Weiland, bien sûr, chanteur et Sex Pistols, plutôt des Stone Temple Pilots, chante également pour Velvet Revolver, et donc on a Britney Spears et Amy Winehouse, donc, ça arrive souvent, donc il y a trop de Paula Abdul qui avait dit qu'elle était aussi en réhabilitation. Et donc, ces trucs tout simplement de drogue. Là, les gens qui prennent beaucoup d'alcool et de drogue, qui s'en vont en réhabilitation, ils reviennent, ça va mieux, lancent un album, une bonne campagne de pub, retournent finalement parce que ils n'ont rien réglé, ils reviennent, ils repartent et ça n'arrête pas. Entre autres, Britney Spears qui se rase la tête et tout. Et c'est tellement une belle image hein, pour nos jeunes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bright. D'avoir les jeunes, les artistes qui trippent sur nos jeunes. Plutôt les jeunes qui trippent sur nos artistes qui s'en vont en centre de désintox. Assez ordinaire, quand même. Numéro 4, maintenant, des choses qui doivent absolument être arrêtées dans l'industrie musicale, c'est les chansons pour vous de la Californie. C'est incroyable. Ou, comment dire, donc, que la Californie, donc, c'est hip, c'est hot, c'est très, on dit phony également, vraiment, donc, faire le tour un peu de ça. Eh bien, il y a ceux qui le font, c'est Red Hot Chili Peppers, Madonna, System of a Down, entre autres, qui, utilisent la Californie comme centre, d'intérêt et de pour les chansons. Et comme sujet principal, à un moment donné, il y a une limite, là. Faire des albums complets à Californie ou, simplement, appeler son album Californication, à un moment donné. Oui, vous venez de la Californie. Oui, vous êtes hot, mais arrêtez. Donc, on dit, entre autres, ça a débuté un peu avec, on dit, chanson overrated. Moi, je la trouve bonne, mais donc, peut-être un peu exagérée, effectivement. Hotel California, des Eagles, et ça a pas arrêté, donc, un peu, d'aller chercher, simplement de dire California quelque part, et c'est bon, donc, pour le tout. Et entre autres, il y a... dans les Simpsons, oui, exactement, on faisait une parodie d'une émission pour adolescents, je pense à D.O.C., quelque chose comme ça, et on essayait de plugger le plus souvent dans la pièce California, tu sais, pour dire que ça se passait en Californie, que c'était tellement hip. En tout cas, au numéro 3, donc, de ces choses que l'industrie doit absolument arrêter de faire, là, les trucs qu'elle nous remet, qu'elle nous ressource, qu'elle nous ramène, faut arrêter, eh bien, c'est plusieurs producteurs sur un seul album. Qui est-ce qu'ils font? Et là, on a vraiment... C'est très représentatif sur le site crack.com d'où vient le top de l'insolite. On dit qui est-ce qu'ils font le plus? On a Velvet Revolver et tous les rappers qui ont existé. Et oui, donc, il y a des collaborations avec plusieurs producteurs qui viennent faire une petite tonne ou deux et s'en vont. Et donc, ça fait un album qui est vraiment pas constant et vraiment pas plaisant à écouter. Quand il y a plusieurs personnes qui produisent des chansons, ça fait des pièces qui sont... qui sont pas égales, qui ça enlève le plaisir en fait d'écouter l'album tout simplement. Mettons si on a deux pièces produites par Timbaland, deux pièces produites par Dr. Dre, là, on est dans le monde du hip-hop plus là, mais c'est vraiment, vous allez voir la grosse différence de qualité du son ainsi que l'interaction musicale qui est vraiment différente, et il faut absolument arrêter ça. Dans le monde du rock, c'est un peu moins fréquent, mais comme on dit, là, il y a Velvet Revolver qui le fait, mais il faut pas. C'est, on a un producteur, on a un artiste, pas un artiste, mais ben, un créateur dans le fond, parce que le producteur est en gros un créateur musical également. Il faut qu'il y en ait juste un. À un moment donné, c'est assez. Bon. Et numéro 2 maintenant, un peu dans la même idée que ces multiples producteurs dans les choses que les trucs de l'industrie qui doivent absolument arrêter, c'est les featuring. Et oui, donc ça n'arrête pas, n'est-ce pas? On est entre autres dans les pires qui ont fait ça, T-Pain, Akon et Lil Jon. Donc tout simplement, T-Pain, est-ce qu'il y a un album à lui où il fait juste des featuring? C'est ça que je me demande, hein, parce que donc c'est des rappers qu'on invite, ben, c'est 3, 4, 40 fois probablement. Désolé, ça monte, ça... Des couteaux dans la gorge. Et donc, voilà, numéro 2, les featuring, c'est incroyable, ça arrête pas, ça. C'est, t'es un rappeur, t'invites les gens donc font la pièce avec toi, ça devient un succès probablement parce que à cause de ton featuring, la personne qui vient pour te rendre visite sur ton album et faire la chanson avec toi, mais à un moment donné, il y a une limite, là. C'est toi l'artiste ou c'est les gens que t'invites qui font la chanson? À un moment donné, il y a une limite, vraiment. Il faut penser à tout ça. Et on donne un peu comme exemple de la chose la plus drôle qu'on pourrait retrouver, c'est Chris Brown featuring Elmo. Donc Elmo de Sesame Street vient faire une feature sur un album, ça serait très très drôle à voir. Et quand même, ça arrête pas, c'est vraiment là... Il y a une limite, tu sais, t'essaies de pousser dans le fond ta carrière artistique avec l'aide de quelqu'un d'autre, finalement c'est l'autre qui prend toute la place. Et ça fait, mettons, des albums de... Ben, entre autres, on mélange producteur et featuring également, des fois, avec le grand, grand musicien talentueux qui est Justin Timberlake, hein, n'est-ce pas? Une remarque d'ironie dans ma voix. Qui a comme producteur, le grand producteur génial, Timbaland, encore de l'ironie dans ma voix. Et simplement, donc, il se fait voler la vedette par son producteur. C'est fou raide, ça. Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Et maintenant, on a au numéro 1, tout simplement, de ces choses que l'industrie de la musique doit absolument arrêter, eh bien, c'est les Farewell Tour, tout simplement, les concerts d'adieu qui n'arrêtent pas. Et entre autres, on dit dans les pires qui font ça, t'as Kiss, les Rolling Stones, Cher et The Who, qui n'arrêtent pas, tout simplement, de dire « Ah, c'est notre dernier concert, c'est notre dernière tournée, notre dernière chance de nous voir. » Et finalement, on sait bien que c'est la... Que je dirais pas le mot que je voulais dire, mais quand même, donc ça arrête pas. C'est une façon de faire de l'argent également qui est vraiment très bon parce qu'on se permet alors de monter le prix des billets un peu. C'est la dernière fois, tu sais, il y en aura plus après. Puis ouais, c'est ça. Puis ils vendent des billets extrêmement chers, hein. Et finalement, ben 2 ans plus tard, ils décident de refaire une tournée, de refaire un album. Et ça arrête pas. C'est surtout les vieux groupes, là, bien sûr. C'est rare qu'un jeune groupe décide d'arrêter, tout simplement. Mais, tu sais, des groupes comme Kiss, là, la prochaine fois qu'ils font une tournée d'adieu, à moins que ce soit comme le dernier. Dernière tournée d'adieu de Kiss, c'était normal, parce que c'était la dernière fois que les 4 membres originaux allaient faire une tournée. Kiss existe encore, mais il reste que Paul Stanley et Gene Simmons au sein du groupe, dans les membres originaux. Donc, cette tournée-là avait raison d'être. Sauf que si Kiss, demain matin, fait une autre tournée d'adieu, moi, je serais sceptique. Je me demanderais. Donc, parce que eux vont faire de la musique jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de se tenir debout. Faire de l'argent, surtout, dans le cas de Kiss. Mais les Rolling Stones, par contre, c'est aussi pour l'argent, mais il y a aussi un fonds musical derrière le tout. Et The Who, ben, on se demande encore pourquoi ils s'appellent The Who, parce qu'il reste juste 2 membres en vie. Et ça, c'est vraiment... C'est quelque chose... Ils ont fait le Super Bowl cette année. De Who. Et encore là, je comprenais pas parce que oui, c'est un grand groupe. De Who ont fait de la très très bonne musique. Mais aux États-Unis, en plus, c'est un groupe britannique. Aux États-Unis, habituellement, on aime ce qu'on fait à l'intérieur même des lignes du pays. C'est spécial, mais c'est comprenable. Les gens, peut-être, ont trippé sur De Who et veulent continuer à en écouter. C'est bien à eux. En tout cas. Donc, bien, c'était cet homme d'insolite sur les 6 choses que l'industrie de la musique doit arrêter de faire absolument. Ces 6 gamiques, donc, qu'on remet à toutes les sauces, toujours dans le monde de la musique. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Jab Jab Bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du.